Chapitre 5e. Le lendemain matin, Claire, à peine réveillée, exprima le désir de partir le jour même pour Paris, au lieu de rester à Biarritz une nuitaine encore comme il avait été convenu. Biarritz l'ennuyait décidément. La saison s'avançait, et il était grand temps de songer à l'installation de leur appartement. Surtout, elle éprouvait le besoin de revoir sa mère. Raymond, un peu surpris de cet accès de tendresse subite, objecta qu'on aurait de la peine à être prêt, qu'il y avait à faire quelques visites d'adieu. « Ah oui, » dit-elle, « j'ai la marquise. »« Eh bien, la marquise se contentera d'un PPC qu'on ira porter chez elle après déjeuner. À moins que vous ne préfériez composer d'ici là une épître en vers pour lui annoncer notre départ. Cela serait du dernier galant. Qu'en dites-vous ? » Quelques heures après, quand le train s'ébranla pour quitter la gare, Raymond et Claire, seuls, en face l'un de l'autre, dans leur compartiment, se regardèrent. Et le regard qu'ils échangèrent fut grave comme les pensées qui s'agitaient dans leur esprit. Au même instant, et sans qu'ils eussent besoin de la parole pour s'en faire part, le même sentiment s'empara d'eux. Ils se disaient que cette minute était solennelle, parce qu'ils entraient dans l'inconnu d'une nouvelle phase de leur vie, que quelque chose venait de finir, qui jamais plus ne recommencerait pour eux. Parce qu'enfin ils quittaient, sans savoir quand ils reverraient, ni même s'ils devaient revoir ces lieux auxquels ils se sentaient maintenant attachés par mille liens mystérieux, ce coin de terre qu'ils croyaient naguère encore semblable à un autre et qui ne l'était point, puisqu'il se parait soudain, au moment même où ils l'abandonnaient, d'un charme spécial tout à fait doux et mélancolique, fait du souvenir de ces premiers baisers qu'ils y avaient échangés. Et tandis que, voyant fuir le paysage devenu depuis ces semaines familier à leurs yeux, une tristesse subtile les pénétrait l'un et l'autre, s'insinuait jusque dans les plus intimes profondeurs de leur être. Car c'est une des misères de l'homme de ne pouvoir quitter un lieu pour un autre sans que l'importune idée de sa fragilité l'assaille aussitôt, sans que l'incertitude où il est de revenir jamais à cet endroit éveille en lui l'appréhension vague d'un départ autrement terrible, sans qu'il se mêle enfin à l'adieu qu'il jette à ce point de l'espace, je ne sais quel regret des heures qu'il y a consumées, si douces qu'elles aient pu être, parce qu'il sent diminuer d'autant le nombre de celles dont il dispose encore. Quand le dernier coteau, le dernier bouquet d'arbres, la dernière maison qu'il leur appelait Biarritz eut disparu, Claire et Raymond, cessant de contempler la campagne, se regardèrent de nouveau l'un l'autre, sans parler. Le jeune homme soupira profondément, et fermant les yeux, renversa sa tête en arrière. « Vous êtes triste, » dit Claire. « Un peu, et vous ?»« Moi aussi. Nous étions plus gais en venant. »« Hélas, oui, c'est vrai. » Ils ne se dirent plus rien, chacun d'eux éprouvant le besoin de s'isoler dans ses pensées, de cacher à l'autre l'indéfinissable souffrance qui venait de l'envahir et dont il cherchait en vain la cause. Ce fut Claire qui, la première, rompit ce long et pénible silence. Comme la nuit était tombée, elle vint s'asseoir près de son mari et dit « Voulez-vous me donner votre épaule pour dormir, puisque vous ne me l'avez pas donnée hier soir ?» Sans répondre, Raymond passa un bras autour du cou de sa femme et lui fit prendre la position qu'elle aimait. Quand elle fut là, blottie contre sa poitrine, elle lui dit très doucement « Savez-vous à quoi je pense ? Vous vous rappelez notre première nuit en chemin de fer ? C'est vous qui m'offriez alors votre épaule pour y reposer ma tête. Aujourd'hui, c'est moi qui vous la demande. Cela ne prouverait-il pas que je vous aime davantage et que vous m'aimez moins ? Quand les enfants ont sommeil, ils ne savent plus ce qu'ils disent. « Voilà, » fit-il en la baisant au front, « comment on répond à de pareilles questions ?» De fait, il eût été embarrassé s'il avait dû lui répondre d'une manière plus explicite, car ce doute qu'elle venait d'exprimer, le jeune homme commençait précisément depuis 2 ou 3 jours à l'éprouver lui-même. Et s'il repoussait encore avec une sorte d'horreur l'idée de s'avouer qu'il aimait moins sa femme, quelque chose pourtant lui faisait déjà presque pressentir que cet amour n'était plus tout à fait semblable à celui qu'il avait pour elle 2 mois auparavant. Afin de s'en assurer, Raymond s'interrogea de nouveau. Il lui parut que sa tendresse n'avait pas diminué, mais qu'un peu de découragement s'y mêlait, provenant sans doute de 1000 petites meurtrissures qu'elle avait reçues et qui l'avaient contrainte à se replier pour ainsi dire sur elle-même, comme une feuille de sensitive qui n'aurait pas été touchée d'une main assez légère. « Ah » pensait-il, « la vilaine enfant qui n'a pas voulu du bel amour que je lui offrais. » Il fit un mouvement pour s'écarter de Claire, mais elle se rapprocha aussitôt en murmurant d'une voix endormie. « Prenez-moi bien, tout près de vous, j'ai froid. » Et pas plus que la veille. Il ne comprit qu'un sentiment nouveau était né dans cette femme, qui ne pouvait plus dormir maintenant que sur le cœur de son mari. Ils arrivèrent à Paris le lendemain matin et repartirent aussitôt pour les Ormes, où il avait été décidé qu'il resterait jusqu'à la fin de l'été. Après avoir salué ses beaux-parents, Raymond prit congé d'eux en annonçant qu'il allait passer le reste de la journée auprès de sa mère. Claire, très occupée de déplier ses robes et de faire ses rangements habituels dans l'appartement que Madame Le Couturier avait préparé pour les recevoir, ne manifesta point l'intention d'accompagner son mari, qui partit à pied pour Châteaufrayé. En revoyant son fils, le premier mot de la générale fut « Eh bien, mon enfant, y a-t-il quelque chose de nouveau ?» Et le regard qu'elle plongea dans les yeux de Raymond, l'attente anxieuse qu'exprima toute sa physionomie, disait assez le sens attaché par elle à ses paroles. « Non, ma mère, » répondit-il en faisant effort sur lui-même pour prendre un air dégagé, « rien encore. » « Ah ? » dit-elle seulement, et elle passa aussitôt à un autre sujet. Tandis qu'ils parlaient ensemble de Biarritz, des courses de taureaux, des mille petits incidents du voyage, Jean annonça l'abbé Papillon. Le bon abbé parut le nez au vent, le rabat de travers comme d'habitude, les souliers blancs de poussière. Il commença par secouer vigoureusement la main du jeune homme, puis, avec sa mine joyeuse et goguenarde, « Eh bien, à quand le baptême ?»« Ah, mon cher abbé, souhaita de répondre Madame Blachère, que vous êtes pressé. Certainement, je le suis. C'est notre façon d'être père à nous autres curés, que de faire des petits chrétiens. Dépêchez-vous, paresseux. » Mon Dieu, dit Raymond avec un peu de contrainte, je ne crois pas qu'il y ait de temps perdu. Accordez-moi un sursis de grâce. La porte du salon où avait lieu cette conversation s'ouvrit tout à coup et Martha se montra en criant « Madame, madame, c'est Madame Raymond qui arrive. » Sans en rien dire à Claire, Raymond avait trouvé de mauvais goût qu'elle le laissa venir seul à Châteaufrayé. Il passa aussitôt dans le vestibule pour aller au-devant d'elle et la remercier de n'avoir pas remis cette visite au lendemain. Au lieu de la voir arriver en voiture comme il s'y attendait, il l'aperçut au milieu de la cour d'honneur qui descendait de son cheval, luisant de sueur. À peine eut-elle touché terre qu'elle se pencha vivement de côté pour ramasser le bas de son amazone. Puis elle vint à lui en courant, le teint frais, l'air heureux, charmante dans ce corsage étroit qui moulait la rondeur ferme de sa taille. Mais cette gentillesse et cette grâce furent impuissantes à désarmer l'irritation soudaine dont venait d'être pris Raymond. « Après les bains de mer, le cheval, » dit-il avec un peu de rudesse dans le ton, « c'est un parti pris, décidément. » Elle s'arrêta, stupéfaite de cet accueil. Puis, passant devant lui sans répondre, elle entra dans le salon, serra la main de l'abbé, tendit ses joues à sa belle-mère et demanda « Est-ce que c'est un bien grand crime, comme a l'air de le prétendre votre fils, d'avoir pris mon cheval pour venir vous embrasser plus vite ?»« Non, mon enfant, » répondit la générale, « ce n'est pas un grand crime. Mais ce serait un grand malheur que vous n'eussiez pas un jour une petite fille, pour lui apprendre à porter l'Amazone avec autant de grâce que vous-même. Et c'est parce qu'il pense un peu trop à ces choses, auxquelles vous ne songez pas assez, vous, ma mignonne, qu'il boude au lieu de vous remercier de la gentille attention que vous avez eue pour votre vieille belle-mère. Raymond, viens me donner le plaisir de te voir embrasser ta femme devant moi. » Il vint à elle, la main tendue, et l'embrassa. « Aimez-vous, mes enfants, » disait Madame Blachère en les enveloppant d'un regard attendri. « Aimez-vous bien, aimez-vous toujours. Et multiplicamini, » ajouta tout bas l'abbé qui suivait son idée. Les jours suivants furent consacrés à la recherche d'un appartement à Paris. Madame Le Couturier, qui en avait visité plusieurs à leur intention pendant qu'ils étaient à Biarritz, leur servait de guide, avec une sollicitude que son gendre ne tarda pas à trouver excessive. Le choix de ces dames s'arrêta sur un premier de la rue de Lisbonne, dans une maison pourvue d'un large escalier, d'un ascenseur, de vastes salons, mais manquant de vue et de soleil. Raymond en fit l'observation avec assez peu de succès, et piqué de voir qu'on ne semblait tenir aucun compte de ses goûts, n'insista pas davantage, de sorte que l'appartement, qui ne lui plaisait point, fut loué. Vint ensuite la question de l'ameublement. Il tenait de sa mère le goût des vieilles étoffes, des meubles de forme ancienne et rare. Il avait toujours pensé que ce devait être chose charmante pour deux jeunes mariés, de faire leur nid avec amour, de chercher ensemble, et longtemps s'il le fallait, tentures, sièges, bahuts, toutes ces jolies choses du temps passé, qui tranchent sur l'horrible banalité du mobilier moderne. Mais Madame le couturier avait d'autres idées, et elle sut les faire partager à sa fille. Claire, qui n'y était d'ailleurs que trop disposée, se laissa persuader par elle qu'il fallait procéder en toute hâte à une installation complète et définitive, afin d'être en mesure de recevoir au moins à partir du mois de décembre. Elles s'entendirent avec un tapissier, qui prit l'engagement de mettre l'appartement en état d'être habité pour le milieu d'octobre. Raymond fut invité à discuter le devis et les projets de cet homme, mais après avoir assisté à deux ou trois conférences où il vit sa belle-mère et sa femme se livrer sur chaque article à un marchandage effréné, il prit le parti de leur laisser diriger seuls les travaux. Madame le couturier approuva fort cette résolution. « Les hommes d'imagination comme vous, disait-elle à son gendre, ne connaissent rien à ces questions d'intérieur. Elles ne sont pas dignes d'eux. Laissez-nous faire. Vous serez content de votre installation. » L'homme d'imagination accepta sans protester cet arrêt. Pourtant, il lui parut qu'on aurait pu lui accorder au moins une voix consultative, et que son intervention n'aurait pas été tout à fait inutile, quand bien même elle n'aurait pour effet que d'empêcher la peluche qui sévissait cette année-là, et pour laquelle il avait un goût moins vif que Madame le couturier, de tout envahir, fauteuil, rideau, dessus de cheminée et tour de glace dans son appartement. Chaque jour, excepté le dimanche, Claire et sa mère allaient à Paris et passaient l'après-midi à courir de magasin en magasin, à monter et à descendre des étages, à prendre des mesures, à grimper aux échelles, afin de contrôler par elle-même la façon dont chaque clou avait été posé, et si le tapissier ne leur faisait point de tort sur le métrage des étoffes. C'était une idée fixe de Madame le couturier, qu'on en détournait de petits morceaux, et cette idée la mettait au supplice. Il fallut que Raymond se fâchât pour empêcher Claire d'exiger que toutes les rognures fussent mises de côté. En dépit de la fatigue physique qui les accablait après de pareilles séances, elles rapportaient aux hommes une surexcitation d'esprit singulière qui leur donnait quelque chose d'inquiet et de fiévreux. Elles parlaient intarissablement, répétant avec une sorte de frénésie ce qu'elles avaient déjà dit 100 fois, se plaignant sans cesse de la lenteur des ouvriers, de la mauvaise foi des marchands, du prix des meubles. Cette installation était devenue, non pas seulement la grande, mais l'unique affaire de leur vie. Elles s'en entretenaient le jour, tantôt avec tendresse, tantôt avec colère et désespoir. La nuit, elles en rêvaient, le reste, à leurs yeux, existait à peine. « Que devient Claire ?» demandait Madame Blachère à son fils, et celui-ci lui répondait « Elle pense appartement. » Le mois de septembre s'écoula ainsi. Claire, toujours levée de très bonne heure, s'équipait en un tour de main et se rendait dans la chambre de sa mère, où elle passait la matinée à dresser le plan des opérations de la journée. On déjeunait ensemble à la hâte, après quoi son mari ne la revoyait plus que le soir. L'exécution quotidienne de ce programme ne laissait pas aux jeunes époux beaucoup de temps pour l'intimité. Aux heures même, trop rares à son gré, où il n'était pas privé de sa femme, Raymond la voyait si agitée, si préoccupée de mille choses tout à fait étrangères aux questions d'ordre sentimental, qu'il refoulait au-dedans de lui-même les effusions de tendresse qui montaient souvent encore, mais moins souvent que naguère, de son cœur à ses lèvres. « Je sens, disait-il encore, un tapissier entre elle et moi, cela me glace. » Il avait soin d'accompagner ses mots d'un sourire, afin de ne pas donner d'inquiétude à sa mère, ce qui n'empêchait pas Madame Blachère de froncer le sourcil et de répondre sur un ton d'impatience. « Enfin, avance-t-il au moins ce maudit appartement ?» Un dimanche même, la générale se fit conduire aux Ormes. Avec un tact, une prudence infinie, elle dit à Madame le couturier de très jolies choses sur l'inconvénient de distraire deux jeunes mariés de ce qui doit être leur grande affaire, savoir la mise en harmonie de leurs sentiments, de leurs idées. Mais la femme de l'ingénieur ne comprit pas, ou feignit de ne pas comprendre la leçon. Une tentative semblable faite auprès de Claire ne réussit pas mieux. « Comment ? » dit-elle à sa belle-mère. « Vous avez l'air de trouver que je m'occupe trop de mon appartement et pas assez de mon mari. Est-ce ma faute s'il ne s'en occupe pas avec moi ? Je suis bien peu récompensée, vraiment, du mal que je me donne. » Madame Blachère se garda bien d'insister, sentant qu'il fallait conserver à tout prix, dans l'intérêt même de Raymond, ce qu'elle avait pu prendre déjà d'influence sur cette nature irritable. « Là, là, répliqua-t-elle, calmons-nous, ma fille. Ne faites pas comme un jeune coq qui hérisse ses plumes. Ce que j'en disais, c'était pour votre bien à tous deux. N'en parlons plus. Dépêchez-vous seulement de finir et emménagez bien vite. » Afin de remplir le vide de ses journées, Raymond essaya de se mettre au travail. Mais il éprouva une peine extrême à reprendre et à continuer le développement interrompu de son roman. Pour se dédommager, il écrivit une nouvelle, qui lui parut assez bienvenue, et sur laquelle il eut aimé à consulter sa femme. Malheureusement, le soir où il offrit de lui en faire la lecture, Claire avait à examiner avec sa mère un mémoire très important. « Demain, mon ami, si vous voulez, et avec grand plaisir, » lui dit-elle. Le lendemain, Madame le couturier et sa fille commencèrent, en se mettant à table, à délibérer sur la question de l'éclairage des appartements. La discussion qui s'engagea sur les mérites respectifs de l'huile, du pétrole et du gaz remplit toute la soirée et fit complètement oublier la lecture. Raymond n'en adressa aucun reproche à sa femme, mais il jeta le manuscrit de sa nouvelle au fond d'un tiroir et ne se sentit plus le moindre goût au travail. Chaque jour, après leur départ, il faisait une visite à sa mère, lui tenait compagnie pendant une heure, puis allait errer, sous prétexte de travailler et de lire, avec quelques feuilles de papier et un livre, dans le parc. Il s'asseyait à l'une de ses places favorites, près du sceau de loup ou bien au pied de la statue du Sylvain, et trouvait une douceur infinie à rester là longtemps, perdu dans une de ces rêveries qu'il aimait autrefois, où tout devenait vague, délicieusement trouble, au-dedans et au-dehors de lui-même, ses pensées comme les formes des objets. Sa mère, qui l'épiait des fenêtres du salon, s'alarmait du goût qu'il recommençait à montrer pour ses promenades solitaires et ses songeries sans fin. « Je ne suis pas contente de toi, mon enfant, » disait-elle. « Tu me rappelles le Raymond d'il y a 6 mois. Voyons, que se passe-t-il dans cette tête-là? Qu'as-tu? Moi, que voulez-vous que j'aie, ma mère? Enfin, es-tu heureux? On en douterait à te voir. Mais certainement, je suis heureux. Pourquoi ne le serais-je pas ?» Il prenait aussitôt un air joyeux. Il s'ingénia à la faire rire en racontant de plaisantes histoires sur Madame le couturier. Mais sa mère n'était point dupe de cette gaieté, car elle y percevait quelque chose de contraint, qui peut-être révélait une souffrance cachée. Souvent aussi, Raymond allait se promener dans cette partie de la forêt qu'il avait si souvent parcourue au printemps avec Claire. Il reconnaissait, tant l'image de ces lieux s'était gravée dans son esprit, le moindre accident de terrain, la moindre touffe d'herbe. Ici, pensa-t-il, elle a enjambé ce petit fossé. Là, elle s'est assise sur cette roche moussue. « Voici le bouquet de counerier où je lui ai taillé une badine, le bloc de grès où elle a posé son pied pour refaire le nœud du lacet de sa bottine. » Tout cela, dont quelques mois à peine le séparait, lui semblait très ancien déjà. Et la seule explication qu'il trouva de ce fait était de se dire que sans doute il avait beaucoup vieilli lui-même depuis lors. Il marchait ainsi tout droit devant lui, lentement, sans but, comme un désœuvré qui s'ennuie et qui cherche à tuer le temps. Un vieux garde qui le rencontra, la tête basse, au détour d'un chemin, lui dit « Ça ne va donc pas, monsieur Raymond? Vous avez quasiment l'air d'un corps sans âme. » Un jour, il alla revoir la place où Claire s'était fiancée à lui. Les arbres, tout verdoyants au mois de juin, commençaient à se dépouiller de leurs frondaisons jaunies. Quelques feuilles mortes tombèrent en tournoyant autour du jeune homme. Cette vue le rendit mélancolique, et avec le tour particulier de son imagination de poète, il se prit à penser que la forêt avait l'air de pleurer sur quelqu'un. Aussitôt, il s'empressa de donner une autre direction à ses idées, car il évitait toute réflexion qui pouvait l'induire à descendre très profondément dans sa conscience, comme s'il eût reculé d'instinct devant les découvertes qu'il aurait pu faire en essayant de dresser avec trop de soin l'inventaire de son état moral. Ce n'était pas sa mère seule, en effet, mais lui-même aussi qu'il cherchait à rassurer en disant « Pourquoi ne serais-je pas heureux ?» Et il y parvenait à peu près, car une analyse très subtile des 1000 petites causes de son désenchantement eût seule pu lui permettre de mesurer exactement jusqu'à quel point ce désenchantement avait déjà grandi et combien il grandissait encore chaque jour. Or, cette enquête, on l'a vu, Raymond ne se décidait point à la faire. Il resta donc dans une sorte d'incertitude volontaire sur ce qui se passait en lui-même, vaguement inquiet pourtant, car il croyait sentir à de certains moments qu'un voile de tristesse s'étendait sur son âme, pareil à celui que la saison jetait sur la forêt moins verte, sur la campagne moins joyeuse. Et il se demandait avec angoisse si le plus beau de tous les sentiments, celui qu'il croyait naguère encore devoir rester en lui impérissablement jeune, était soumis à la même loi de prompte caducité que le feuillage des bois. Hélas, pensait-il, quelle affreuse chose, s'il fallait que ce fût déjà l'automne de mon amour. Alors il cherchait à se persuader que cette crainte était vaine. Il se mettait tout à coup à embrasser sa femme avec une sorte de fureur, en lui adressant de grandes tirades pleines de passion, mais d'une passion moins naïve et par conséquent moins touchante qu'autrefois, dont l'expression trop littéraire le faisait douter lui-même s'il parlait en son nom ou si, à son insu, il ne s'exerçait pas plutôt à traduire les sentiments de quelque amoureux fictif qu'il mettrait un jour en scène dans un roman. Cette nuance échappait à Claire, qui avait d'autres préoccupations en tête que d'étudier son mari. Elle s'était laissée reprendre tout entière aux idées de sa mère, qui, ne connaissant pas de bonheur plus grand que celui de paraître, la poussait avec un étrange aveuglement à mettre le plus tôt possible en voie d'exécution le programme de vie mondaine qu'elles avaient élaboré ensemble. Cette perspective de visite, de réception, de fête, de toilette, de succès, de représentation sous toutes les formes, enivrait Claire. Elle soupirait après les plaisirs de l'hiver, les goûtait par avance, supputait les résultats de la campagne qu'elle allait entreprendre afin de forcer l'attention et de s'élever, du premier coup, au rang des femmes à la mode, dont elle avait depuis longtemps déjà résolu d'être un jour. À mesure que le moment approchait, quelque chose entrait en elle de l'impatience, non de l'appréhension qu'éprouve la veille d'un début les acteurs sûrs de leurs moyens. Des bouffées d'ambition lui montaient au cerveau. Elle se voyait déjà recherchée, choyée, adulée, régnant sur tous les salons de Paris par sa beauté, son esprit, sa fortune, comme ces cinq ou six privilégiés dont on cite les noms, dont on décrit les toilettes, chaque matin, à la première page des journaux, et dont l'entrée dans une loge, au théâtre, fait que toute la salle se retourne pour les voir. Aucun bonheur ne lui semblait comparable à la félicité de ces femmes-là. Elles se tenaient avec une vigilance envieuse au courant de leurs faits et gestes, de l'état de leur fortune et de celui de leur beauté, de leurs habitudes, de leurs goûts, de leurs aventures, et sentait que, avant même de les connaître, elle les haïssait déjà. Comment, pensait-elle quelquefois, comment pourrais-je m'y prendre pour les supplanter, ou tout au moins pour me tailler une part de royauté à côté d'elles? Toutes ont quelque chose de particulier qui les signale, l'une son collier de perles qui est unique, l'autre son talent de musicienne, celle-ci son profil de Diane, celle-là son salon politique. Quelle sera mon originalité à moi? Et elle s'enfonçait en de profondes méditations, dont sa mère seule devinait l'objet. Le moment approchait, cependant, où le jeune ménage devait quitter les Ormes. Ce n'était point pour Raymond seul que ce long séjour à la campagne avait eu de fâcheuses conséquences. Depuis le jour où Claire s'était de nouveau trouvée aux côtés de sa mère, dans une atmosphère morale si différente de celle où son mari l'avait fait vivre durant leur voyage de noces, la métamorphose qui commençait à s'opérer en elle, qui la rendait déjà plus docile et plus douce, en même temps que plus aimante, avait subi un brusque temps d'arrêt. 6 semaines auparavant, le simple penchant qu'elle avait d'abord eu pour Raymond s'élevait insensiblement à la dignité d'une de ces belles tendresses conjugales, faites d'estime, de confiance, de respect mutuel, qui sont sans doute ce qu'il y a de plus noble ici-bas dans l'ordre du sentiment. Sa conception première du mariage, de la vie même, semblait sur le point de changer. Le moment n'était pas loin, peut-être, où elle aurait cherché le bonheur non dans les satisfactions de la vanité, mais dans les joies intimes du cœur. Ce temps passé par Claire dans la société de la plus frivole et de la plus vaniteuse des femmes interrompit malheureusement la rénovation de son être moral. L'identification de son âme à celle de l'homme qu'elle avait pris pour époux, tout cet invisible travail qui, par la vertu de l'amour naissant, s'accomplissait mystérieusement en elle quand ils étaient revenus de Biarritz, resta en suspens. La seconde quinzaine d'octobre arriva, l'appartement était enfin prêt à les recevoir, ils partirent pour Paris.